toi de long, colle à mes chaussures, aéré de rue en rue, bas en bas. Racontez maintenant le passé, son futur, cherchez les lieux, battre les remparts. Attends Jack, attends-moi, attends. Attends Jack, attends-moi, attends. Cherchez, cherchez encore. Un siècle plus tard, la ville indique qui le jour, et le soir, chercher son rôle, lire son âme noire. L'entre 1880, va les voir. Attends Jack, attends-moi, attends. Jack, attends-moi, j'arrive, je veux comprendre. Amoureux d'un roi, assassin notoire.